Mes amis, moi, je sais quoi faire pour pas m'emmerder. Hier après-midi, j'étais à la réunion de réflexion relative au trou de la sécu. Un trou qui devrait approcher les 11 milliards d'euros cette année. Ah, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait quand même 1 milliard 100 millions de bouteilles de schnapps. Bref, rien de palpitant, tout le monde y allait de sa bonne idée, jusqu'à ce qu'un type en costard étriqué prenne la parole à cette fameuse réunion. Pour combler le déficit de la sécurité sociale que vient de prendre des mesures radicales. C'est pour ça que je suggère que l'alcool et le tabac soient taxés à 95% et que le prix soit augmenté de 99%. De cette façon, soit les gens continuent de fumer et de boire et les caisses seront remplies, soit ils s'arrêtent, il y aura moins de dépenses. Soit ils continuent et ils meurent. Et là, la mort, il coûte moins cher en soins. C'est là que la révélation est venue à mon esprit embrumé comme ce matin. Oh là, je viens de prendre le micro dans la gueule. Mais hier, j'ai pris le micro des mains du petit mec en costard. Allez, donne-moi ça, toi. Non, j'ai pas fini. Mais si, t'as fini. Mais enfin, je vous dis que non. Donne-moi ça, pédale. Histoire de gagner du temps et pour couper court à cette conversation plutôt ennuyeuse, je l'ai saisi par les cheveux et je lui ai frappé la tête sur la table. Ah, enfin, je pouvais m'exprimer. Mes amis, dans un premier temps, je tiens à dire que les propos que vient de tenir mon ami qui dort sur la table avec une grosse bosse sont totalement ineptes. En effet, si le prix des alcools et du tabac augmente de façon inconsidérée, des millions de personnes, moi en premier, vont rentrer irrémédiablement dans une période de déprime profonde. Et croyez-moi, un Helmut en déprime, ça peut faire des dégâts sur la santé publique. Non, ce que je préconise pour faire des économies, c'est d'inventer et d'inviter nos anciens à rejoindre l'au-delà avant qu'ils ne coûtent une fortune aux médicaments. Alors c'est simple, passé 70 ans, tu m'écoutes Cradel ? Oui, on fait que ça. C'est-à-dire au lendemain de leur anniversaire, je suggère... Cradel, je vais te péter une barre. Fais gaffe ! Passé leur à 70 ans, je suggère qu'on leur fasse cadeau d'une petite tisane vers le dodo éternel. Fini les fortunes dépensées en sondes et autres couches confiance pour Mamie Pérez. Allez, Madame Pérez, faut y aller maintenant. Comment ? On va partir pour le grand voyage. Comment ? Tenez, buvez ça. Comment ? Au revoir, Madame Pérez. Comment ? Vous voyez, ils se rendent compte de plus rien. Ils sont complètement gâteux. Croyez-moi, messieurs, c'est mieux pour tout le monde. Eh bien, figurez-vous que ma proposition est à l'étude. Bon, faut que je vous laisse. Je vais prévenir Valérie et Jean-Paul. Ah, ça va être un choc. Allez, au vidéo zen.